Et comme à tous les lundis à cette heure-ci, eh bien, on parle avec Raymond Poirier de Technologie d'information qui est chargé de communication à Litis. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et encore une fois, il y a une belle conférence qui s'en vient dans les prochains jours. Et oui, jeudi 23 octobre à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy, on s'intéresse aux technologies, mais dans le contexte muséal. Donc, de quelle manière on intègre les technologies, de quelle manière on devrait les intégrer, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui pourrait être fait, qu'est-ce que ça amène comme changement du côté de l'exposition, du côté aussi des équipes qui préparent les expositions, qui les créent. Alors, on a invité l'étudiante au doctorat en ethnologie et patrimoine, Dominique Gélinas, à nous présenter ces éléments-là jeudi et à mettre la table ce soir ici à CKRL vers cette conférence. Dominique Gélinas, bonjour. Bonjour. Et peut-être justement pour contextualiser, au fur et à mesure des années, j'imagine que la manière dont on cherche à intégrer les technologies dans les musées se transforme, évolue. On a pensé à une certaine époque, j'imagine, à l'interactivité, à la vulgarisation, à l'accompagnement, à dépasser peut-être un peu la présentation statique de l'objet. Donc, c'est un courant de pensée, des approches qui évoluent, j'imagine, de décennie en décennie. Oui, tout à fait. Donc, ça a commencé vraiment après les années 60. Donc, on a vraiment voulu démocratiser la culture, d'intégrer plus le visiteur dans son apprentissage au fur et à mesure dans l'exposition. Et on a commencé par des bornes d'interactivité et tout. Et plus que ça allait, en fait, plus que, avec les années, plus en plus d'interactivité, l'ordinateur est rentré, qui nous permet une plus grande possibilité qu'une télévision, par exemple. Et on est arrivé aussi les années 90, où ce qu'il y a un volet plus marketing qui est arrivé aussi. Donc, le financement de la culture a changé en l'entour des années 1994. Donc, on est plus à projet. Donc, le voulait se vendre, en fait, envers le gouvernement pour recevoir ces subventions-là. Donc, on a vendu un peu la technologie comme à pas pour le visiteur, pour avoir les subventions aussi. Et en fait, bon, ça s'est augmenté jusqu'à aujourd'hui où ce qu'on en est dans une émergence, une exposition sur la technologie, on la juge presque un peu ringard. Donc, mais savoir là, est-ce que cette frénésie-là, est-ce que justement il y a des conséquences? Est-ce qu'on peut pas le mieux la réfléchir aussi? Mais oui, justement, maintenant qu'on l'a déjà implanté, c'est difficile aussi de reculer, mais on n'a presque pas le choix. Tout le monde est sur son téléphone, sur un iPad. Est-ce qu'on est obligé maintenant de s'en servir de la technologie, indépendamment là, des demandes de subventions ou quoi que ce soit? Je crois que oui, dans une certaine mesure, dans le sens que, bon, on s'attend, les visiteurs s'attendent bien sûr à avoir cette technologie-là, à plus ou moins une échelle aussi. Donc, on n'est pas obligé d'aller dans le iPad, on n'est pas obligé non plus d'aller dans la grosse installation, avec les lunettes virtuelles et tout, mais il y a quand même, on s'attend à une certaine interprétation par les technologies. Par contre, ça coûte tellement cher aussi, il y a quand même un sorte de retour au niveau des musées qui se disent, oui, mais est-ce qu'on peut revenir à ce qu'on fait le mieux, soit la présentation de l'objet aussi. Donc, présentement, on a vraiment une petite chicane de valeur, là, à savoir aussi qu'on s'en va, là. Est-ce qu'on s'en va pas trop dans l'extrême? Où est le musée sans objet? Mais bon, en tout cas, bref. Oui, puis j'imagine avec toute cette idée aussi qu'à un moment donné, dans certains cas, on propose un élément technologique, mais ça devient un peu un gadget où la technologie est un peu accessoire et là, parce qu'il faut avoir de la technologie, mais pas nécessairement parce que la technologie est le meilleur outil pour mettre en valeur ce qu'on veut mettre en valeur. Oui, tout à fait. Il y a des effets de mode, bien sûr, dans la technologie. Donc, c'est ainsi, c'est bien sûr. Bon, ben, tout le monde fait une application. Donc, le musée, on devrait avoir une application, nous aussi, pour qu'on soit sur les plateformes ou seulement, bon, on fait beaucoup de numérisation 3D. Donc, parce que c'est hot et tout. Mais est-ce que ça sert vraiment? Puis, des exemples, c'est au Louvre, donc, qui fait le grand musée du Louvre avec le guide Nintendo qui a un double écran et c'est vraiment un guide à travers les œuvres et tout et il montre une vue 3D de la Vénus de Milo. Mais si vous êtes vous êtes au musée, vous êtes devant la statue, donc pourquoi voir sur écran quand est-ce que vous pouvez faire le tour de l'œuvre? Oui, mais donc, je peux la voir en 3D. Oui. Mais si par exemple comme la victoire de Samothrace, ça l'aidait à la reconstituer complètement, on verrait ses mains qui tend vers le ciel, tout son contexte de la ville aussi, parce qu'elle était placée au début du port. Ça c'est un enrichissement à la compréhension de l'œuvre. Ça n'enlève pas l'appréciation esthétique, mais on la comprend mieux, on contextualise. Donc, dans le fond, la question, c'est pas nécessairement pourquoi on devrait utiliser la technologie, parce que, bon, comme on le disait tout à l'heure, c'est un peu incontournable en cette ère, mais plutôt que si on décide de l'utiliser, comment on devrait l'utiliser. Donc, on est vraiment comment. Parce que le réflexe naturel, c'est de dire, OK, c'est nouveau, il y a un effet de mode, on se lance, il faut l'avoir nous aussi. À la limite, on va acheter la technologie avant même de monter l'exposition, oui, en disant c'est ça qu'on veut, mais c'est pas nécessairement la meilleure approche. Non, pas du tout, parce que justement, quand on achète la technologie trop rapidement, on se fait prendre aussi, parce que la technologie arrive avec des contraintes, donc il y a l'appareil, la capacité, bon, et tout. Des fois, c'est juste le temps de recharge de la pile aussi. Donc, moi, j'ai vu des musées qui se sont achetés 25 tablettes, ils n'ont pas passé le temps de recharge, donc, oh, mais qu'est-ce que je fais avec mes visiteurs de l'après-midi? Ben, il faut qu'ils en achètent 25 autres pour faire une rotation. Donc, oui. Et entre autres, ben justement, le Wi-Fi aussi, avec vidéo, ben la batterie n'a plus une autonomie de 6 heures, elle en est 2 heures. Donc, bon, il y a tout cet aspect-là. Donc, c'est qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux dire? Comment je peux l'utiliser dans le sens, quelle sorte de technologie qui est à ma disponibilité, en fait, pour mettre ça en valeur. Donc, c'est comme on pourrait avoir en ville, bon, une ruine ou, bon, quelque chose, un site historique quelconque. On peut utiliser la réalité augmentée pour voir la ruine plus tout l'image de synthèse pour reconstituer, en fait, le patrimoine. Mais si vous n'avez pas d'argent, on peut faire une application avec un géoréférencé puis à poser des photos d'archives. Puis si vous n'avez encore pas d'argent, mais je pourrais aller sur les lieux, photographier exactement dans le même angle et comparer avec la photo. Il y a plusieurs gradations pour arriver au même but. Tout dépend du temps, des ressources et de l'argent surtout. Oui. Mais dans le fond, il faut bien choisir, il faut prendre le temps de bien choisir parce que, comme tu disais, les outils n'est-ce pas égaux. Donc c'est d'éviter de prendre le problème à l'envers et d'une certaine façon, c'est de mieux aussi cadrer peut-être les équipes qui travaillent sur les expositions. J'imagine que il y a 20 ans, il y a 10 ans même, les équipes qui développaient ces nouvelles expositions-là, intégrant ces nouveaux outils-là, sont pas les mêmes que celles qui sont en place depuis quoi, 5, 10 ou dans les prochaines 5 années? Non, tout à fait. Les équipes de conception, donc déjà, elle est devenue multidisciplinaire parce que virtualité égale multidisciplinarité. Je peux pas être spécialiste de tout. Donc, en fait, avant, ben justement, vous avez une exposition reconstitution de maison historique, par exemple, dans laquelle j'ai été chargée de projet. Si Parc Canada ou le Centre de conservation de Québec vous disent, ben c'est cette tapisserie-là, ben j'ai dit, oui, mais moi, je l'aime pas, je la trouve laid, mais c'est pas grave, c'est ça qu'il va avoir. Donc, je peux pas contester, en fait, le spécialiste. Quand on dit qu'en technologie, tout le monde a sa petite expérience de la technologie aussi. Tout le monde a utilisé des applications, été sur des sites Internet. Donc, j'ai plusieurs profils, en fait, qui viennent se confronter avec moi en tant que chargée de projet, bien sûr. Donc, j'ai bien sûr le des fois ça s'incarne au directeur, dans le sens c'est lui qui était chercher de l'argent, donc lui il va avoir le wow, souvent il va avoir l'intérêt en fait de son investissement, son retour d'investissement, il veut que ça il y ait des résultats, on veut être sa map, bon voilà, vous pouvez entendre tous les discours. Vous avez aussi le spécialiste de contenu qui justement, on est dans dans un moment de culture sous-financée où que les grandes subventions, c'est souvent la technologie qui est déversée. C'est pour financer la technologie comme telle, entre autres le plan numérique, on le voit très bien aussi la tendance. On coupe dans les musées, mais on favorise le numérique. Donc, pour le conservateur, souvent, c'est une chance, c'est une opportunité d'avoir enfin de l'argent pour faire de la recherche. Fait que là, ça, on va être intelligent, ça va être une référence, ça va être hot, c'est ce côté-là. Et vous avez aussi le programmeur. Donc, le programmeur qui m'arrive, le spécialiste de la technologie, qui m'arrive, ben là, tu peux pas faire ça de même. Donc, lui aussi m'arrive avec une contrainte. Et moi, faut que je pense au public. On s'en va où? Il faut que je ramène tout ce monde-là dans le même point de vue, en fait. Et parlant du public, est-ce que la technologie peut nuire à certaines personnes qui sont des puristes, qui n'ont pas envie d'avoir une gogosse, de tenir un iPad, qui ont encore envie peut-être d'avoir juste un audio guide ou tout simplement de regarder une œuvre? Est-ce que ça peut nuire à des gens, tout cet aspect-là? Il y a des fois, ça l'agace, oui. Il y a des certaines personnes qui peuvent agacer, justement, ou qu'il y a trop de technologie dans une exposition. Donc, bien des fois, on va offrir des complémentaires, donc justement, juste un audio guide. Des fois, on spécialise trop la technologie pour les jeunes. Donc, on va faire une application pour les jeunes parce qu'eux autres, ça les intéresse. Mais justement, les tablettes et tout, bon, c'est plus c'est 50 ans et plus qui achètent le plus de tablettes. Ça, on le pense pas. On pense que tout le temps, techno, c'est toujours pour les jeunes. Et pourtant, les adultes, ils sont aussi des consommateurs de technologie et tout. Mais on leur parle pas nécessairement. On ne fait pas nécessairement une application ou quoi que ce soit pour eux directement. Et parallèlement, j'imagine aussi qu'il y a cette logique où on a l'impression que la technologie, c'est pour les jeunes. On fait des trucs techno pour attirer les jeunes dans les musées, un peu partout. Mais dans les faits, si on regarde les chiffres récents, j'imagine des outils comme les tablettes, c'est pas des jeunes qui ont des tablettes. Donc, il y a peut-être une idée préconçue où il faut affronter des idées préconçues, les confronter. Oui, tout à fait, parce que les jeunes, c'est ça, j'en ai déçu quelques-uns en leur disant on a acheté des tablettes, donc ça va faire venir les jeunes. Je dis, bien, les jeunes ne viendront pas parce que vous avez acheté des tablettes. Les jeunes vont venir parce que le sujet est intéressant, parce que ça leur interpelle. C'est sûr qu'une fois arrivés au musée, s'ils ont le choix entre plusieurs dispositifs ou plusieurs manières de visiter l'exposition, ça se peut qu'ils prennent plus de la technologie parce que c'est quelque chose qu'ils leur connaissent, mais qui leur est propre, en fait. C'est des grands, même, t'es quand même des grands consommateurs, je ne nierai pas. Mais il y a quand même un aspect, l'expérimental, le essayer des choses, quelque chose de très concret peut être très pertinent pour eux aussi. Donc, c'est pas toujours les bourrer le cadre. Ils sont tellement entourés de virtualité, à un moment donné, quelque chose de très concret, terre à terre, peut les satisfaire autant. Oui, surtout que dans le contexte de l'objet, par exemple, le contact qu'on a avec l'objet virtuel versus l'objet réel, c'est pas la même chose. En fait, c'est deux mondes. Oui, tout à fait. C'est ça qui c'est pour ça aussi que c'est le danger de pas faire du copier-coller dans la technologie, parce que l'objet comme tel aura toujours une espèce d'aura. Donc, je le vois pour de vrai, je le touche, je foule de mes pieds le même plancher que j'ai foulé, que mes ancêtres ont foulé, ou c'est la même chose quand on voit la Joconde. La Joconde, on l'a tellement vue, mais là, je l'ai vue pour de vrai. Donc, il y a une expérience même qu'on va filmer, on se fait des selfies avec la Joconde aussi. Donc, on veut mémoriser cette expérience-là de musée. Tandis que, donc, pourquoi la virtualité? Donc, il faut aller ailleurs que qu'est-ce que la réalité nous propose. La Joconde peut pas m'expliquer toutes ses courbures, par exemple. On pourrait tout montrer, toutes les études qu'on a faites par rapport à elle. Comme je disais, la victoire Samothrace, on pourrait recontextualiser aussi la victoire. Donc, aller plus loin. Exactement, exactement. Aller plus loin, puis en même temps éviter, j'imagine aussi, en terminant, d'aller trop loin, dans la mesure où, quand c'est virtuel, ben on a l'impression qu'on peut en mettre, qu'on peut en mettre, qu'on peut en mettre, mais dans une vraie salle, on s'en rend compte quand on déborde. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on pense pas, c'est qu'il y a une fatigue muséale qui existe dans la virtualité. Donc, dans l'espace, quand on est en train de monter une exposition, même si on a des plans, à un moment donné, on le voit fort bien que, bon, il y a trop de tableaux, ou c'est lourd, c'est oppressant, la circulation n'a pas été bien pensée. Il y a eu une porte secours, on l'avait pas mis sur le plan, donc il faut que je réagisse. Quand dit que dans la virtualité, ben, c'est des clics, bon, une succession de clics, donc je ne sais pas nécessairement à quel point c'est gros, mais vous avez quand même, je veux dire, surtout si vous êtes sur le web, par contre, ou une application, entre autres, vous avez 3 secondes pour séduire votre internaute, c'est tout. 3 secondes? Exactement, donc ça peut paraître, oui. Mais c'est assez, quand on fait le calcul, c'est assez. Vous regarderez votre comportement. Mais si les gens, au bout de 3 secondes, même moins, ont un jugement disant « Écoute, c'est trop compliqué, c'est trop long. Ton monde virtuel, il y a juste des affaires. Quand on clique, c'est juste du texte, des textes de 150 mots. Ça te fait un volume incroyable. » Ben non, j'y retournerai pas. Parce qu'on me dit, entre autres, ben, s'ils sont fatigués, ils vont revenir. T'sais, c'est sur Internet, c'est accessible. Mais non, si j'ai déjà posé un jugement disant « Non, c'est vraiment trop compliqué. C'est trop long, c'est tout le temps, c'est répétitif. J'aurais pas tendance à revenir. » C'est juste qu'on le voit pas comme on peut le faire avec la salle. On le voit exactement. Pas tout de suite. Exact. Et c'est ces éléments-là, Dominique Gélina, qu'on va explorer à la conférence de jeudi. Donc, essentiellement, ça va être de présenter aux gens de quelle manière on pense aujourd'hui l'expérience muséale. Exactement, avec des exemples, entre autres, que j'ai vécu personnellement ou que des collègues et tout. Donc, avec des exemples vidéo aussi. Donc, je vais essayer d'être interactive. Alors, je le rappelle, en fait, c'est jeudi. Donc, jeudi cette semaine, 23 octobre à 19h, la conférence s'intitule « Vers le musée 2.0. Comment les technologies transforment la mise en valeur du patrimoine », donc une conférence de Dominique Gélina, qui est étudiante au doctorat en ethnologie et patrimoine à l'Université Laval. Dominique, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Oui, merci beaucoup. Raymond Poirier, merci à toi aussi. On retrouve tout ce qu'on se dit ici, c'est toujours sur le site. Exactement, itis.laval.ca, et tous les détails concernant la conférence de Dominique s'y trouvent également. Alors, ce sera un rendez-vous. Merci beaucoup, Raymond Poirier.